Police. Ah, Police en version facile. Attends, message Inoboteur. Ok. Message Inoboteur, on va partir à 1. J'essaye de mettre les paroles. Voilà, ça y est. Voilà, les paroles d'un côté et la mesure de l'autre. J'ai pas la mesure là. Attends, voilà, tac. Putain, j'arrive pas à voir la mesure. Je peux pas avoir tout le texte. Voilà. Partirons en B. Just 'cause I want. Que le refrain, si tu veux, maintenant. Ok, refrain. Après, je sais pas comment on fait faire les morceaux entiers, ça fait trop de mesures. Allez, on attaque le refrain. À faire, hein, tous ensemble. Et quand je fais des trucs en entier, je me fais engueuler après. Mais non. Just a c'est décalé là. Super calé. We'll be right back. je fais n'importe quoi, il faut pas faire ça parce que après ça énerve tout le monde. Si je suis pas le tout. Chanson PPR. Non, non, ouais. Je vous suis, je m'amuse, moi. J'ai fini ma journée. Mais ça va trop vite, là. Je suis touriste. Choisir le tempo. Moi, je te reçois, mais clean, hein. Il n'y a pas de décalage, rien du tout. chaîne, je suis au casque, je te reçois impeccable, y a rien qui merde. Oui, exact. Faut qu'on change. Quelqu'un vote pour que... Si personne vote, je vais essayer de batterie divisée par deux. Bah tiens, ça marche plus là. Bah tu changes et tu remets ta batterie. Thank you. je peux vous le faire, ça. Welcome to the Little California. It is love. And no, no. Oui, chef. Yes, chef. Vas-y, Dirty, joue. Thank you. Cette machine. Voilà. Voilà, là ça part sur le 1. Ok. song is for Dirty D. Dirty D. My wife left me and the bitch pissed on my shoe. My wife left me and the bitch pissed on my new shoe. Could you give me another waltz, Dirty D? tear it up. Why the time?